9 Gnome et Rhône à la fin de la Première Guerre mondiale. À l'issue de la Première Guerre mondiale, Gnome et Rhône se trouvent dans une situation préoccupante. Tout d'abord, l'État a peu de moyens pour relancer ses forces aériennes, et donc pour passer de nouvelles commandes aux industriels. Afin d'alimenter ses usines, Gnome et Rhône se diversifient en fabriquant des produits de remplacement, comme des machines à coudre et des motocyclettes, dont vous verrez une belle collection un peu plus loin. Moins. Autre difficulté pour Gnome et Rhône, l'avenir des moteurs rotatifs est compromis sur le plan technique. Comme vous pouvez le voir, les moteurs exposés ici comportent davantage de cylindres. Cela permet de gagner en puissance, mais implique aussi d'augmenter la masse tournante à mettre en mouvement. Les ingénieurs se heurtent à l'effet gyroscopique, qui limite la maniabilité de l'avion. Ce type de moteur ne peut donc dépasser 250 chevaux. Pour en savoir plus sur l'effet gyroscopique, voir le démonstrateur.